Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1962, Marthe Robert conçut une série de 29 émissions intitulée « La révolution psychanalytique ». Des premiers travaux de Freud sur l'hystérie à la mise au point de sa théorie de la sexualité, de la naissance du mouvement psychanalytique aux premières dissensions en son sein, il s'agissait de retracer l'histoire de la psychanalyse à travers les grandes étapes de l'existence de son fondateur. Après avoir, dans les deux premiers volets, présenté l'intention de ses émissions et décrit l'enfance de Freud, Marthe Robert se penchait pour les troisième et quatrième épisodes sur ses premiers pas de lycéen, d'étudiant puis de jeune médecin, période relativement peu documentée de son existence. Mais au fait, pourquoi Freud, qui semble n'avoir à l'origine présenté aucun goût véritable ni aucune aptitude particulière pour la discipline, a-t-il choisi la médecine ? Réponse dans ces deux émissions, diffusées pour la première fois sur France 3 Nationale, les 15 et 22 décembre 1962. RTF France 3 Nationale présente en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Jean Topard, Roland Ménard et Jean Muselli dans Études et vocations de Sigmund Freud. Que nous soyons mieux renseignés sur les trois premières années de la vie de Freud que sur la période ultérieure de son enfance est assez naturel, puisque, attachant à ce temps reculé une importance décisive, il dut s'efforcer de le reconstituer patiemment au cours de sa propre analyse. Il y a peut-être aussi une autre raison. Freud, qui écrivit un jour au bourgmestre de sa ville natale qu'il sentait toujours vivre en lui, profondément enfoui, l'heureux enfant de Freiberg, le fils aîné d'une jeune mère qui avait reçu de cette terre et de ce sol ses premières impressions impérissables, avait gardé en revanche un si mauvais souvenir de ses premières années à Vienne qu'il s'abstint toujours d'en parler. L'étroitesse de la vie citadine, la gêne que devait causer à une nombreuse famille un logement exigu, les difficultés matérielles aussi, tout cela lui laissa un sentiment pénible qui, dès le début sans doute, aggrava son penchant à la neurasthénie. De cette époque sombre, il ne rapporte que deux ou trois souvenirs d'incidents marquants à quoi il attribue certains traits profonds de son caractère. Le premier concerne sa passion effrénée des livres. Mon père s'amusa un jour à abandonner à l'aînée de mes sœurs et à moi un livre avec des images en couleur. C'était la description d'un voyage en Perse. J'avais alors 5 ans. Ma sœur n'avait pas 3 ans. Et le souvenir de la joie infinie avec laquelle nous arrachions les feuilles de ce livre est à peu près le seul fait de cette époque que je me rappelle avec une valeur plastique. Plus tard, quand je fus étudiant, j'eus une passion pour les livres. Depuis que je médite sur ma vie, j'ai toujours rapporté cette première passion à cette impression d'enfance. Ou plutôt, j'ai reconnu que cette scène d'enfance était un souvenir de couverture pour ma bibliophilie de plus tard. Un autre souvenir plus tardif est également relaté dans la science des rêves. Je me rappelle un petit fait domestique qui s'est passé quand j'avais 7 ou 8 ans. Un soir, avant de me coucher, j'eus l'inconvenance de satisfaire un besoin dans la chambre de mes parents et en leur présence. Mon père me réprimanda et me dit notamment « On ne fera rien de ce garçon ». Cela dut m'humilier terriblement, car mes rêves contiennent de fréquentes allusions à cette scène. Elles sont régulièrement accompagnées d'une énumération de mes travaux et de mes succès, comme si je voulais dire « Tu vois bien que je suis tout de même devenu quelqu'un ». Passion des livres, désir de devenir quelqu'un et de prouver sa valeur, voilà assurément 2 traits marqués, propres à expliquer le sérieux précoce, l'enfance studieuse du futur savant. Enseigné d'abord par son père, un autodidacte probablement très intelligent, Freud dut reconnaître très tôt à l'étude la valeur quasi sacrée que lui accorde la tradition juive. Sans doute son père s'était bien éloigné de l'orthodoxie, mais l'étude restait pour lui ce qu'elle était pour les vieux maîtres du Talmud. On le voit bien la dédicace qu'il écrivit en hébreu sur sa propre Bible, dont il fit cadeau à Sigmund pour son 35e anniversaire. Mon cher fils, c'est au cours de la 7e année de ta vie que l'Esprit du Seigneur t'incita à étudier. Je dirais que l'Esprit du Seigneur te parla ainsi, lis mon livre. Là te deviendront accessibles les sources de la connaissance intellectuelle. C'est le livre des livres, la source où ont puisé les sages et d'où les législateurs ont tiré les fondements de leur connaissance. Tu as pu avoir, grâce à ce livre, une vision du Tout-Puissant. Tu as agi. Tu as essayé de voler haut sur les ailes de l'Esprit sacré. Depuis, j'ai conservé la même Bible. Voici ton 35e anniversaire. Je l'ai sorti de sa retraite et te l'envoie en témoignage de l'affection que te voue ton vieux père. Que la lecture précoce de la Bible ait exercé une profonde influence sur son développement intellectuel et moral, Freud l'a toujours franchement reconnu. Il n'est que de lire ce qu'il a écrit sur Joseph et surtout sur Moïse, dans les 2 ouvrages qu'il a consacrés à cette grande figure, pour sentir que l'intérêt scientifique, ici, reposait sur une affinité de nature. D'un certain point de vue, on peut dire qu'il a refait en sens inverse le chemin solitaire de Moïse et que son œuvre, si scandaleusement irreligieuse, est à sa manière le dernier commentaire de la loi. Il faut croire que l'éducation de Jakob Freud avait du bon, car Sigmund entra au lycée à 9 ans, avec 1 année d'avance sur ses camarades, et pendant les 8 ans qu'il y resta, il se maintint sans interruption à la tête de sa classe. Cette ardeur au travail était naturellement l'effet d'une insatiable curiosité intellectuelle, mais Freud, beaucoup plus tard, y vit aussi des raisons plus complexes qui lui permirent d'esquisser une psychologie du lycéen. Cette psychologie, qu'il écrivit à l'occasion du cinquantenaire de son ancien lycée, mérite d'être citée pour ce qu'elle contient d'autobiographique et aussi parce qu'elle offre un bel exemple du don qu'avait Freud d'expliquer les phénomènes abstraits avec l'art vivant du conteur. On éprouve un étrange sentiment lorsque, déjà vieux, on vous demande un devoir d'allemand pour le lycée. Mais, automatiquement, on obéit, tel cet ancien soldat qui, au commandement garde à vous, met les doigts sur la couture de son pantalon et laisse ainsi tomber tous ses paquets. Bizarre. On a accepté sans hésiter, comme si rien n'avait changé au cours du dernier demi-siècle. Pourtant, on a vieilli entre-temps. On n'est pas loin de la 60aine. Le sentiment qu'on a de son propre corps et ce qu'on voit dans son miroir prouve sans ambiguïté quelle part de la vie a déjà été consumée. Il y a encore 10 ans, il pouvait y avoir des moments où, brusquement, on se sentait de nouveau tout jeune. Il arrivait alors qu'on marche dans les rues de sa ville natale, la barbe déjà grisonnante, chargée de tous les fardeaux d'une existence bourgeoise, et que l'on rencontre à l'improviste tel ou tel vieux monsieur bien conservé, un monsieur que l'on saluait presque humblement, parce qu'on reconnaissait en lui un de ses anciens professeurs de lycée. Puis on s'arrêtait, et on le suivait des yeux d'un air songeur. Est-ce vraiment lui ou quelqu'un qui lui ressemble? Comme il paraît jeune et comme on a vieilli. Quel âge peut-il bien avoir? Est-il possible que ces hommes qui autrefois représentaient pour nous le monde des adultes n'eussent été que de si peu nos aînés? Alors le présent se trouvait comme obscurci. Et le temps de nos années d'école montait des recoins de notre mémoire avec ses intuitions et ses errements, ses changements douloureux et ses succès enivrants, les premiers regards jetés sur la culture du passé, qui, à moi du moins, devait donner par la suite d'incomparables consolations dans les luttes de la vie, les premiers contacts avec les sciences, parmi lesquelles on croyait avoir le choix pour prendre celle à qui l'on offrirait ses services, des services inestimables, à coup sûr. Et je croyais me rappeler que toute cette époque avait été traversée par l'intuition d'une tâche qui ne se fit d'abord connaître que sourdement, jusqu'au jour où je pus lui donner une voix en écrivant dans mon devoir de baccalauréat que je voulais, au cours de ma vie, contribuer à enrichir notre savoir humain. Comme psychanalyste, je m'intéresse forcément plus aux faits affectifs qu'aux faits purement intellectuels, plus à l'inconscient qu'à la vie de l'âme consciente. Mon émotion, lors de ma rencontre avec un ancien professeur, me conduit donc à faire un aveu. Je ne sais pas bien ce qui nous absorbait le plus et prenait pour nous le plus l'importance des matières scientifiques qui nous occupaient ou de la personnalité de nos maîtres. En tout cas, pour nous tous, ces derniers étaient l'objet d'un courant souterrain de sentiments qui ne tarissaient jamais. Et pour beaucoup d'entre nous, le chemin vers les sciences ne pouvait passer que par eux. Nous recherchions leur faveur ou nous détournions d'eux. Nous leur prêtions des sympathies et des antipathies qui probablement n'existaient pas du tout. Nous étudions leur caractère et le prenions pour modèle pour former ou déformer le nôtre. Ils provoquaient nos plus violentes révoltes et nous contraignaient à une soumission totale. Nous épions leurs faiblesses et étions fiers de leurs grandes qualités, de leur savoir et de leur esprit de justice. Au fond, nous les aimions beaucoup dès qu'ils nous en donnaient le moindre motif. Je ne sais pas si tous nos maîtres en avaient conscience. Mais, c'est indéniable, nous prenions une attitude très particulière à leur égard, à quoi les intéressés trouvaient sans doute quelques désagréments. En face d'eux, nous inclinions d'emblée à l'amour comme à la haine, à la critique comme à l'admiration. La psychanalyse appelle ambivalence une pareille disposition aux aptitudes contraires. Elle n'est d'ailleurs pas embarrassée pour en retrouver la source. Freud fournit ensuite l'explication psychanalytique de cette ambivalence qui caractérisa toujours si fortement ses propres relations avec ses maîtres, ses amis et plus tard ses élèves. Puis il conclut avec une légère nuance de tristesse. Nous comprenons maintenant nos rapports avec nos professeurs. Ces hommes, qui n'étaient peut-être même pas pères eux-mêmes, devinrent pour nous des substituts paternels. C'est pourquoi ils nous paraissaient si mûrs, si inaccessiblement adultes, même quand ils étaient encore très jeunes. Nous transférions sur eux le respect et les espoirs que nous inspirait le père omniscient de notre enfance. Et nous nous mîmes à les traiter comme nous traitions nos pères à la maison. Nous leur opposions l'ambivalence que nous avions acquise dans notre famille, grâce à quoi nous luttions contre eux comme nous étions habitués à le faire contre nos pères charnels. Sans ce rapport profond avec notre enfance et notre vie de famille, notre conduite à l'égard de nos maîtres serait incompréhensible. Mais on ne pourrait pas non plus lui trouver d'excuse. Selon Freud, le baccalauréat, ou ce qui en tenait lieu à Vienne, a joué un rôle important dans sa vie, puisqu'il lui a permis de découvrir l'orientation générale de sa tâche. Il est vrai que le thème du devoir d'allemand s'y prêtait. C'était « des motifs à considérer dans le choix d'une profession ». Le candidat, il a alors 17 ans, semble l'avoir pris tout à fait au sérieux. L'une des rares lettres qui ont été conservées de cette époque de sa jeunesse, adressée à Émile Flous, son ami d'enfance, montre avec quelle maturité d'esprit il avait abordé l'examen et commencé de réfléchir sur sa vie. « Enfin, j'ai eu la mention excellente pour mon devoir d'allemand. C'était un sujet hautement moral, sur les motifs à considérer dans le choix d'une profession. » Et j'ai écrit là-dessus à peu près la même chose que je vous écrivais il y a 2 semaines, sans que vous m'ayez pour cela décerné une mention. En même temps, mon professeur m'a dit, c'est la première personne qui se permet de me dire une chose pareille, que j'avais ce que Herder appelle si joliment un style idiot, c'est-à-dire un style à la fois correct et original. Ce fait incroyable m'a étonné comme il le mérite. Et je m'empresse de faire connaître aussi loin que possible cet heureux événement, le premier de son espèce. À vous, par exemple, qui n'avez sans doute pas remarqué jusqu'ici que vous échangiez des lettres avec un styliste allemand. Maintenant, donc, un conseil d'amis, non d'intéressé. Conservez. Faites des liasses. Gardez soigneusement. On ne sait jamais. Cette lettre respire la joie, la fierté d'avoir réussi de façon particulièrement brillante dans une matière qui, en principe, était assez indifférente à ses projets de carrière scientifique, mais à laquelle il attachait une extrême importance. Toute son œuvre ultérieure en est la preuve. Freud aimait passionnément écrire. Ses textes dénotent un amour des mots, un besoin de décrire et de faire vivre des personnages qui, il l'a une fois constaté lui-même, l'apparente plus au romancier qu'au médecin. Avait-il des ambitions littéraires dont il ne s'est jamais ouvert à personne et qu'il n'osait peut-être même pas s'avouer? Bien des choses autorisent à le croire, ne serait-ce que son goût marqué pour les symboles, les jeux secrets du langage, les signes et les constructions imaginaires. S'il en était ainsi, la science psychanalytique aurait encore ceci de paradoxal, qu'elle devrait son existence à une vocation mystérieusement détournée. Le choix d'une profession n'était pas seulement pour Freud un sujet de dissertation, mais déjà, vu la situation matérielle et morale de sa famille, une sérieuse cause de soucis. Toujours dans la même lettre, il s'en ouvre à son ami d'enfance et passe des considérations sur l'examen à des remarques générales où l'on trouve comme une anticipation de sa future psychologie. Vous prenez trop à la légère mes préoccupations pour l'avenir. Vous dites pour me consoler qui ne redoute que la médiocrité est déjà à l'abri. Je vous demanderai, à l'abri de quoi? À l'abri quand tout vous assure le contraire? Que vous craigniez quelque chose ou non, la belle affaire. Le principal n'est-il pas de savoir si cela est aussi vrai que nous le craignons? Assurément, de grands esprits peuvent être saisis de doutes sur eux-mêmes. Tout homme qui met ses mérites en doute est-il un grand esprit pour autant? Ce peut être un esprit faible, et avec cela un honnête homme, honnête seulement par éducation, par habitude, voire pour se torturer lui-même. Je ne veux pas vous engager, s'il vous arrive de vous trouver dans quelque situation problématique, à analyser impitoyablement vos sentiments, mais faites-le, et vous verrez combien il y a peu de choses sûres en vous. Le grandiose du monde, n'est-ce pas ? Repose sur cette multiplicité des possibles. Malheureusement, ce n'est pas un terrain solide pour notre connaissance de nous-mêmes. Les soucis de Freud, qui donne à sa lettre d'adolescent une gravité frappante, tenaient évidemment surtout à la situation précaire de sa famille. Il avait décidé d'être médecin, mais à ses yeux, c'était exiger de son père de très lourds et peut-être d'injustes sacrifices. Celui-ci les accepta pourtant de bon gré. Il promit même à Sigmund un voyage en Angleterre pour le récompenser de sa réussite. Il est vrai que des difficultés matérielles surgirent et que le voyage n'eut lieu que 2 ans plus tard. Freud avait donc 19 ans quand il alla pour la première fois à Manchester chez son demi-frère Emmanuel qui s'y était définitivement fixé. L'Angleterre, nous l'avons dit, était et resta fort longtemps le pays de ses rêves. Il en revint avec une admiration accrue pour Cromwell, l'un des héros de son enfance, et une secrète envie pour les enfants de son demi-frère, qu'il voyait heureux et libres, préservés des vexations continuelles que devaient subir les Juifs de Vienne. Cette envie avait d'ailleurs une racine plus secrète. Il regrettait de n'être pas le fils de ce frère qui avait 20 ans de plus que lui, et qui, croyait-il, lui eût fait la vie plus facile. On aimerait naturellement savoir si cette adolescence, si précocement studieuse et grave, n'a pas été exaltée malgré tout par quelque aventure amoureuse. Mais nous avons là-dessus bien peu de renseignements. Freud, ayant obstinément veillé à ce que sa vie sentimentale, surtout celle qui précéda son mariage, ne pût pas être tirée de l'ombre. Le seul incident qui nous soit connu a été retrouvé grâce à la sagacité d'un de ses disciples, malgré les précautions multiples qu'il avait prises pour lui laisser un caractère anonyme. Freud le décrit dans un texte intitulé « Des souvenirs écrans », où, comme le docteur Bernfeld l'a fort bien montré, il attribue sa propre aventure à un personnage fictif de malade. L'histoire de ce petit article, en lui-même très intéressant, montre combien Freud était soucieux de se protéger et laisse soupçonner ce qu'il a dû surmonter pour analyser et publier ses propres rêves. L'article fut publié en 1899 dans une revue psychiatrique. Normalement, il aurait dû figurer plus tard dans le recueil de petits essais sur la théorie des névroses ou encore dans la psychopathologie de la vie quotidienne. 10 ans après, Freud introduisit dans la science des rêves une remarque relative à sa cicatrice faciale qui fournissait une indication sur la véritable personnalité de son pseudo-malade. Mais en 1925, au moment de la publication de ses premières œuvres complètes, il retira la remarque qui eût pu le trahir au risque de rendre le contexte inintelligible. Cette attitude est d'autant plus surprenante que l'incident en question n'est guère de nature à la justifier. Freud, à l'âge de 16 ans, était tombé amoureux de la sœur de son ami Flus, Gisela, lors d'un séjour qu'il avait fait dans sa ville natale. Il n'avait pas osé se déclarer, et la jeune fille était partie au bout de quelques jours. Le jeune homme en fut bouleversé. Il se mit à errer dans les bois, en imaginant ce qu'aurait été sa vie si ses parents étaient restés à Freiberg au lieu de l'avoir exposé à la dure existence de Vienne. Plus tard, cet épisode s'associa dans son esprit à un projet de sa famille dont il eut connaissance. Son père et son demi-frère avaient songé à le détourner d'une carrière scientifique pour l'engager dans une profession commerciale. Il aurait vécu à Manchester, aurait épousé Pauline, son ancienne camarade de jeu et fille de son demi-frère, et là encore, il aurait mené une vie simple et libre, bien différente de celle qu'il attendait chez lui. Le rêve rapporté dans l'article contenait donc un violent reproche à l'endroit de son père. De plus, il confondait les deux figures de jeune fille dans un même désir érotique, dont Freud découvrit naturellement qu'il avait trait en réalité à sa propre mère. L'épisode, apparemment anodin, révélait donc les deux aspects de son complexe d'Édipe, c'est pourquoi sans doute il tint tant à le garder secret. On voit que Freud, si ferme qu'il fut dans le choix d'une carrière scientifique, songeait parfois avec regret à une vie simple et facile. Mais il ne s'est pas installé à la campagne, il n'est pas devenu commerçant, il n'a pas non plus épousé sa nièce, Pauline, car la jeune fille qu'il avait vue à Manchester ne l'avait pas du tout séduit. Ainsi, un amour déçu et un mariage raté le rendirent disponible pour le travail imprévisible d'où ses découvertes allaient sortir. Et Ernest Jones a peut-être raison de conclure que si les charmes de Pauline avaient égalé ceux de la jeune campagnarde, bien des choses auraient pu être différentes de ce qu'elles sont en notre monde. La vocation de Freud, qui s'accomplit après tant de détours, en se créant pour finir un objet inédit, garde quelque chose de troublant pour la plupart des biographes. Pourquoi, se demande-t-on, pourquoi cet homme qui, dans son enfance et son adolescence, admirait surtout des figures historiques incarnant la puissance et l'action, décida-t-il brusquement de faire sa médecine et de se consacrer à la recherche biologique? C'est prendre ses désirs enfantins un peu trop à la lettre et oublier que dans ces sortes de rêves, le désir, l'élan juvénile vers un modèle, compte probablement bien plus que le contenu de l'action. Du fait que Freud vénérait indistinctement Hannibal, Napoléon, Masséna, Cromwell, sans oublier naturellement Goethe et Shakespeare, on peut conclure tout au plus qu'il avait un besoin impérieux d'accomplir des choses grandes et neuves, qu'il aspirait, comme ses maîtres, à découvrir, à faire connaître et à dominer des aspects nouveaux de la réalité. La recherche scientifique, encore que moins spectaculaire que la conquête militaire ou la domination politique, pouvait fort bien se prêter à un pareil dessein. En revanche, un point dans la vocation de Freud reste effectivement obscur, c'est le choix de la médecine, profession pour laquelle il n'avait aucun goût, et même, de son propre aveu, aucune aptitude particulière. Freud constate souvent cette contradiction sans trop s'efforcer de l'éclaircir. Ainsi, tout au début de son autobiographie, bien que nos moyens d'existence fussent fort médiocres, Mon père insista pour que je suivisse mon inclination dans le choix d'une profession. Ni à cette époque ni plus tard, je ne ressentis une prédilection particulière pour la situation et les préoccupations du médecin. Je ne l'ai d'ailleurs pas ressenti depuis. J'étais plutôt mu par une sorte de soif de savoir, mais qui se portait plus sur ce qui touche les relations humaines que sur les objets propres aux sciences naturelles, soif de savoir qui n'avait d'ailleurs pas encore reconnu l'observation comme principal moyen de se satisfaire. Dans un autre texte, consacré précisément aux relations de la psychanalyse avec la médecine, Freud présente une autre version de son choix. Après 41 ans de pratique médicale, ma connaissance de moi-même me dit que je n'ai jamais été médecin au sens propre du mot. Si je suis devenu docteur en médecine, c'est parce que je me suis vu contraint d'abandonner mes projets originels. Mon grand triomphe est d'avoir réussi, après de longs détours, à trouver une voie qui me ramène à ma première vocation. Il faut convenir que ces textes ne s'accordent pas entièrement. Quels sont ces projets originels que Freud dit avoir sacrifiés ? Ont-ils trait aux relations humaines vers quoi il se sentait attiré, ou au contraire aux sciences naturelles qui furent le premier domaine de sa recherche ? Freud ne s'est pas expliqué clairement là-dessus, du moins en public. Mais il a livré le fond de sa pensée dans un texte personnel, une lettre qu'il écrivit à son ami Wilhelm Fliess à une époque où il se sentait enfin proche de son véritable but. S'il nous est encore accordé à tous deux quelques années de travail tranquille, nous laisserons sûrement quelque chose qui pourra justifier notre existence. Cette certitude me fortifie contre tous les soucis et les peines de chaque jour. Quand j'étais jeune, je n'ai jamais connu d'autre désir profond que celui de la connaissance philosophique, et je suis maintenant sur le point de le réaliser, en passant de la médecine à la psychologie. Je suis devenu thérapeute contre mon gré. La philosophie, ce serait donc là le secret qui fit faire à Freud un chemin si compliqué. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas ouvertement reconnu ? Pourquoi n'est-il pas devenu philosophe ? Ce qui eût été le moyen le plus simple de satisfaire en quelque sorte légalement son immense soif de savoir. Cette singulière attitude a intrigué l'un de ses biographes, Fritz Wittels, qui l'explique finalement par deux raisons. D'une part, le fait que Freud avait été élevé dans la méfiance de la philosophie, laquelle offrait effectivement, dans sa jeunesse, un spectacle assez désolant. D'autre part, la crainte que lui inspiraient ses propres tendances à la spéculation, tendances qu'il semblait juger dangereuses si elles n'étaient pas sévèrement réfrénées. Attiré par les gouffres de la pensée sur lesquels les idées courantes de son époque et sa propre morale intellectuelle jetaient une sorte d'interdit, Freud se serait donc déterminé à un compromis. Contre les tentations de l'imagination spéculative, il a choisi l'aride travail de laboratoire, l'observation patiente du naturaliste, qui laisse à d'autres la construction de systèmes et de théories. De sorte que la psychanalyse serait née de cette sévère répression à quoi il soumit précocement sa nature de visionnaire. Si la thèse de Wittels est juste, et bien des choses dans l'évolution de l'œuvre de Freud semblent la confirmer, on comprend que le jeune homme, encore indécis sur le parti qui devait engager sa vie, ait été entraîné dans sa carrière, non pas par un homme de science, mais par un poète qui ne fut rien de moins que Goethe lui-même. Freud, en effet, a raconté maintes fois qu'il était allé s'inscrire à la faculté de médecine après avoir entendu lire dans une conférence un essai de Goethe intitulé « La nature », essai qu'il ne connaissait pas et dont la paternité est du reste mal assurée. Sans doute, ce texte dithyrambique où la nature est évoquée comme une mère inépuisable et pleine d'amour en qui se résolvent tous les contraires ne semble pas spécialement propre à déterminer une vocation scientifique, mais il suffit d'en lire quelques lignes pour comprendre ce qu'il a lié si intimement au destin de Freud et, par suite, à celui de la psychanalyse. La nature. On obéit à ses lois même quand on leur résiste. On agit avec elle même quand on croit la braver. Elle n'a ni langage ni discours, mais elle crée des langues et des cœurs, afin de sentir et de parler. Sa couronne est l'amour. Ce n'est que par lui qu'on l'approche. Elle creuse des fossés entre les êtres et tout aspire à s'enlacer. Elle a tout isolé pour tout réunir. Avec quelques traits à la coupe de l'amour, elle dédommage de toute une vie de peine. Elle est tout. Elle se récompense et se punit elle-même, se réjouit et se torture elle-même. Elle est rude et douce, aimable et terrible, faible et toute-puissante. En elle, tout est toujours là. Elle ne connaît ni passé ni avenir. Le présent est son éternité. Elle est bonne. Je la loue avec toutes ses œuvres. Elle est sage et tranquille. On ne lui arrache aucune explication, aucun cadeau qu'elle ne donne de plein gré. Elle est rusée, mais à bonne fin. Et le mieux est de ne pas voir sa ruse. Elle est entière et pourtant toujours inachevée. Ce qu'elle fait, elle peut le faire toujours. À chacun, elle apparaît sous une forme propre. Elle se cache sous mille noms et mille termes et demeure toujours la même. Elle m'a mis ici, elle me fera aussi sortir. Je me confie à elle. Elle peut me mener à sa guise. Elle ne haïra pas son œuvre. Ce n'est pas moi qui ai parlé d'elle. Non, le vrai et le faux, c'est elle qui l'a dit. Tout est sa faute, tout son mérite. RTF France 3 Nationale vous a présenté en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Jean Topard, Roland Ménard et Jean Muselli dans Études et vocations de Sigmund Freud. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 15 décembre 1962. Tout de suite, le quatrième volet de cette série, diffusé pour la première fois la semaine suivante. RTF France 3 Nationale présente en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique, une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Jean Topard, Roland Ménard et Jean Muselli dans Les débuts de la carrière médicale de Sigmund Freud. Thank you. à cause des contradictions qui le poussaient vers la médecine et en même temps le détournaient de la pratique médicale qui en est le but normal, Freud faillit bien devenir un éternel étudiant, un fruit sec, comme le disaient ses camarades par plaisanterie. Alors qu'il se savait pauvre et contraint de gagner sa vie, il se montra bien peu pressé d'obtenir son titre et fit traîner ses études pendant 8 ans. La seule chose dont il semble avoir été sûr, c'est qu'il ne voulait à aucun prix exercer. Mais alors, pourquoi la médecine ? Sans doute aurait-il pu expliquer ses détours par une brève histoire juive qu'il citait volontiers à l'appui de ses intuitions. « Où vas-tu, Itzig ?»« Moi, je ne sais pas, » demanda mon cheval. Peut-être ignorait-il pourquoi il fut conduit, dès sa première année de médecine, à disperser son effort dans des études de zoologie, de chimie, de botanique, de minéralogie, d'autres encore. Son cheval, lui, le savait. Parmi les cours fréquentés par Freud avec le moins de raisons pratiques, il faut remarquer celui du philosophe Franz Brentano, dont les brillantes conférences faisaient alors courir tout Vienne. Pendant près de 3 ans, il assiste une fois par semaine à ses séances de lecture, par goût, il faut croire, puisque l'obligation pour les étudiants en médecine viennois de suivre un cours de philosophie venait justement d'être supprimée. En 1876, il suit même 3 cours de Brentano sur Aristote, et cela à une époque où ses autres cours lui prennent déjà tout son temps. C'est sur la recommandation de Brentano que, peu après, il obtient la traduction d'un ouvrage du philosophe Stuart Mill, autre occupation tout à fait étrangère à ses études. Les cours de Brentano représentent le seul contact direct de Freud avec la philosophie de son temps. Que lui ont-ils apporté? Qu'en a-t-il tiré qui ait marqué durablement sa pensée? Brentano jouissait à cette époque d'une notoriété considérable. Il apportait des idées nouvelles en psychologie qui l'opposaient radicalement à Theodor Fechner, le fondateur de la psychophysique, pour qui les sensations étaient le résultat d'excitations mesurables et pouvaient donc se calculer d'après une formule. Brentano, lui, fondait sa psychologie sur une division de la vie psychique en 3 secteurs distincts. Représentation, mouvement affectif, jugement, dont seul le dernier était responsable de la connaissance éthique et, partant, de la conduite morale de l'individu. Notons au passage que cette psychologie dite descriptive laissa une empreinte profonde dans l'esprit du jeune Franz Kafka, qui en son temps suivit assidûment les cours des disciples de Brentano à Prague. Jusqu'à quel point a-t-elle influencé Freud dans sa conception ultérieure de l'appareil psychique? C'est ce qu'il serait aventureux de préciser, Freud n'ayant jamais cité Brentano parmi les maîtres envers lesquels il se sentait redevable. Il se peut qu'elle l'ait aidé non point à surmonter, mais à atténuer le matérialisme fanatique qui était le sien au début de sa vie universitaire. Nous savons que ce changement a eu lieu parce que Freud en dit dans un passage de la science des rêves, sans toutefois chercher à en donner le motif. Il insiste seulement sur la violence inhabituelle avec laquelle il défendit un jour ses opinions matérialistes, au cours d'une dispute d'étudiants où, détail piquant, son adversaire se trouvait être Victor Adler, le futur leader de la social-démocratie viennoise. L'affaire était d'autant plus mémorable pour Freud que, pour la première et la dernière fois de sa vie, elle avait manqué finir par un duel. On discutait dans un groupe d'étudiants allemands les relations des sciences naturelles et de la philosophie. J'étais alors un blanc-bec tout plein de doctrines matérialistes, et je défendis ce point de vue de manière fort exclusive. Un de mes camarades plus âgés et plus réfléchis, qui a montré depuis qu'il savait conduire les hommes et organiser les masses, combattit mon point de vue. Il dit que lui aussi, fils prodigue, avait gardé des cochons dans sa jeunesse, et était revenu repentant dans la maison paternelle. Je m'emportais, je fus grossier, et répondit que s'il avait gardé des cochons, je ne m'étonnais plus de ses façons de parler. Indignation générale, on me demanda de retirer mes paroles, je refusai. L'offensé eut trop de bon sens pour traiter cela comme une provocation, et laissa aller les choses. On voit que l'évolution intellectuelle de Freud ne se fit pas sans heurts ni revirements. D'abord illuminé par le dithyrambe panthéiste de Goethe sur la nature, et on peut le supposer, par les spéculations monistes et mystiques de la Naturphilosophie, il connut une période de matérialisme un peu bornée, comme beaucoup de jeunes gens de cette fin de siècle, pour qui la science expérimentale et positiviste était un gage d'honnêteté. Une fois passé cette phase de matérialisme fanatique, il subit l'influence de ses maîtres du moment, parmi lesquels il y avait du reste de fortes personnalités, sans trouver encore, sans soupçonner même, son propre chemin. Avec un immense appétit de savoir, de grandes ambitions, un besoin de se plier à une autorité et en même temps de préserver sa liberté, Freud ne sait trop où se diriger. Sa curiosité n'a pas de limite, tout l'attire, même des disciplines pour lesquelles il ne se sent pas doué, comme la botanique et la chimie, où ses essais furent franchement ratés. Plus tard, le souvenir de ses études aventureuses lui causait visiblement un certain malaise. Sans doute y voyait-il une sorte de dilettantisme, bien que ses premiers travaux originaux en soient remarquablement exempts. Ou encore la marque de ce désordre viennois, de cette schlamperei à quoi il se savait enclin. C'est pourquoi il se montra si reconnaissant envers le premier maître qui sut l'attacher à une tâche précise et orienter sa pensée. Freud reconnaissait Ernst Brücke, auquel, selon sa propre expression, il resta collé pendant 6 années, comme la plus haute autorité qu'il eût jamais rencontrée. Le vieux professeur faisait un cours à la faculté et dirigeait l'Institut de physiologie où Freud entra en 1876 au bout de 3 ans d'études. C'était un savant de grande envergure et sûrement un homme remarquable. Ernest Jones nous le dépeint avec sa timidité, son accent berlinois, sa grosse tête expressive, son ordre prussien et les terribles yeux bleus qui hantaient encore les rêves de Freud 20 ans plus tard. Voici comment il continue son portrait. Travailleur consciencieux et infatigable, il exigeait ces mêmes qualités de ses collaborateurs et de ses étudiants. À ce sujet, une anecdote typique. Un étudiant, ayant écrit dans l'une de ses compositions « Une observation superficielle révèle que », se vit retourner son travail avec ses mots barrés et dans la marge le commentaire suivant. « Personne n'a le droit de faire une observation superficielle ». Mais cet homme était totalement dépourvu d'esprit d'intrigue et d'arrivisme. À l'égard de tout étudiant capable, il se montrait paternel, lui prodiguant conseil et protection bien au-delà de ce qu'aurait exigé la seule science. Il respectait les idées personnelles de ses élèves, les encourageait à se livrer à des travaux originaux et favorisait tous les gens de talent, même ceux dont les idées étaient fort différentes des siennes. On dit qu'aucun de ses amis, aucun de ses élèves ne lui fut jamais infidèle. L'histoire du mouvement scientifique représenté par Brücke, Dubois-Raymond et Helmholtz, le plus célèbre d'entre eux, vaut la peine d'être rappelée. Entre 1840 et 1845, les 3 hommes avaient formé un petit groupe qui, peu après, devint la Société berlinoise de physique. Ils restèrent, dit-on, étroitement liés toute leur vie et tinrent l'engagement qu'ils avaient pris ensemble de faire triompher ce que Dubois-Raymond appelait un peu pathétiquement, la vérité. Brücke et moi avions pris l'engagement solennel d'imposer cette vérité, à savoir que seules les forces chimiques et physiques, à l'exclusion de tout autre, agissent dans l'organisme. Dans les cas que ces forces ne peuvent expliquer, il faut s'attacher à découvrir le mode spécifique ou la forme de leur action en utilisant la méthode physico-mathématique, ou bien postuler l'existence d'autres forces équivalentes en dignité aux forces physico-chimiques inhérentes à la matière, réductibles à la force d'attraction et de répulsion. L'engagement solennel de faire triompher la vérité, l'idéal d'une probité intellectuelle absolue, la sorte d'ascèse en honneur dans l'école de Helmholtz, tout cela dénote une passion de la science, un enthousiasme et une abnégation bien proche de la foi. Cette foi qui remplaçait les anciennes croyances, il est certain que Freud lui doit la flamme de sa jeunesse et que, malgré l'hérésie dont il fut responsable par la suite, il l'a conservée toute sa vie. ce fut sa force. Car la science resta toujours pour lui la plus haute autorité, la seule devant laquelle il se sentit responsable. Ce fut peut-être aussi une faiblesse. À tout le moins, la cause du lent cheminement de ses découvertes. Quoi qu'il en soit, c'est dans le laboratoire de Bruck que Freud se sentit pour la première fois en possession de ses moyens scientifiques. Et ceci, et tout à l'honneur de son maître, put jouir d'un calme intérieur que ses premières années de faculté ne lui avaient guère fait connaître. L'université, en effet, l'avait déçu et blessé pour des raisons qu'il précise fort bien dans son autobiographie. L'université, où j'entrai en 1873, m'apporta d'abord quelques déceptions sensibles. J'y rencontrai cette étrange exigence. Je devais m'y sentir inférieur et exclu de la nationalité des autres parce que j'étais juif. La première de ces prétentions qu'on voulut m'imposer, je ne m'y soumis résolument pas. Je n'ai jamais pu saisir pourquoi je devrais avoir honte de mon origine, ou, comme on commençait à dire, de ma race. Mais je renonçais sans grand regret à la communauté de nationalité avec les autres. Je pensais en effet qu'une petite place dans les cadres de l'humanité pourrait toujours se trouver pour un collaborateur zélé, même sans un tel enrôlement. Cependant, ces premières impressions d'université eurent une conséquence importante pour plus tard. Ce fut de me familiariser de bonne heure avec le destin qui me plaçait dans l'opposition et me faisait subir l'interdit d'une majorité compacte. Ainsi se prépara en moi une certaine indépendance en face de l'opinion. Et Freud conclut par un hommage à son vieux maître, qui sut mettre fin et au premier désordre de son orientation scientifique et à la discrimination dont il avait été l'objet. De plus, je dus faire l'expérience dès mes premières années universitaires que la particularité et l'étroitesse de mes dons naturels m'interdisait tout succès dans plusieurs branches de la science vers lesquelles je m'étais précipité dans mon zèle juvénile excessif. J'appris ainsi à reconnaître la vérité de ce que dit Méphisto, « En vain vous traînez dans tous les coins de la science. Chacun n'apprend que ce qu'il peut apprendre. » C'est dans le laboratoire de Ernst Bruck que je trouvai enfin le repos et une pleine satisfaction, ainsi que des personnes qu'il m'était possible de respecter et de prendre pour modèle. Ces personnes auxquelles Freud fait allusion ici étaient, outre Bruck lui-même, ses deux assistants à l'Institut de physiologie, Sigmund Exner et Ernst von Fleischen-Marxow. Exner, qui devait succéder à son maître en occupant la chaire de physiologie, était un savant de grand format, que Freud admirait sans toutefois être attiré vers lui. En revanche, il rechercha tout de suite l'amitié de Fleischl-Marxow, un jeune homme extrêmement brillant, beau, génial, dont la personnalité romantique avait en effet de quoi séduire. Cette figure d'aristocrate raffiné et comblé de dons cadrait mal avec le destin horrible qui attendait le jeune savant. À l'âge de 25 ans, il avait contracté une grave maladie infectieuse en dirigeant des recherches d'anatomie pathologique. On avait dû lui amputer le pouce droit, et depuis, il souffrait de poussées de névrome qui nécessitaient des opérations continuelles. Son existence ne fut plus qu'une mort lente au milieu d'intolérables tortures. Pour des raisons sur lesquelles nous aurons à revenir, sa fin porta à Freud un coup terrible. Ernst von Fleischl paraît plus d'une fois dans la science des rêves. Et l'on comprend bien pourquoi, en lisant une lettre de Freud à sa fiancée, où il parle de cet ami en qui, avec une envie dont il était conscient, il voyait l'incarnation de l'idéal humain. Hier, je suis allé chez mon ami Ernst von Fleischl, pour qui, avant de rencontrer Martha, j'éprouvais toutes les sortes possibles d'envie. Maintenant, j'ai un avantage sur lui. Il est, je crois, fiancé depuis 10 ou 12 ans avec une jeune fille de son âge qui avait décidé de l'attendre indéfiniment et qui, pour des raisons que j'ignore, a rompu. C'est un homme absolument parfait, à qui la nature et l'éducation ont donné ce qu'elles ont de meilleur, riche, formé à tous les exercices du corps, le sceau du génie sur des traits énergiques, beau, subtil, doué de tous les talents, capable d'exprimer sur la plupart des choses un jugement original. Il a toujours été mon idéal, et je n'ai pas eu de cesse qu'il ne devint mon ami pour avoir le droit de tirer une joie pure de son talent et de sa réussite. Cette fois-ci, je lui apportais un jugement sur l'un de ses écrits polémiques. Il m'apprit à jouer au Go, un jeu japonais. Puis, il m'étonna en me révélant qu'il étudiait le sanskrit. Le portrait de Flachelle dans cette même lettre s'achève sur les tourments d'une violente jalousie. En face de son ami, Freud se sent pauvre, dépendant, sans autre avenir que celui qu'il arrachera de force à une société hostile. S'il doit lui aussi faire attendre sa fiancée, ce n'est pas pour des raisons supérieures, mais parce que son dénuement lui interdit de fonder un foyer. Notons toutefois qu'il partage les idées de son époque, qui ne voit rien d'extraordinaire à ce qu'une jeune fille passe 12 ans de sa vie à attendre son futur mari. Freud avait coutume de dire qu'il avait connu chez Brücke les plus belles années de sa jeunesse. Ce furent en tout cas des années de travail intense, pendant lesquelles il s'appropria de solides principes scientifiques et commença de donner à sa recherche une tournure plus personnelle. Elles se soldèrent par 3 communications. 2 sur les racines nerveuses et les ganglios spinaux du pétromyson, 1/3 sur les cellules nerveuses de l'écrevisse, qui furent toutes publiées dans le bulletin de l'Académie des sciences. Pendant cette période, sa contribution la plus originale à l'histologie de la cellule nerveuse consista en l'amélioration d'un procédé de préparation, puis en la découverte d'un procédé nouveau, l'utilisation du chlorure d'or pour colorer les tissus. Ces 2 procédés ne firent guère de bruit en dehors de l'Institut de Vienne. Mais les spécialistes affirment qu'à lire attentivement ses 1 communications, on ne peut douter qu'il fut déjà sur la voie d'une grande découverte, celle des neurones, qui fut faite peu de temps après. Ainsi, dès sa jeunesse, il faillit attacher son nom à une découverte décisive. Ce qui lui arriva du reste une seconde fois, puisque quelques années plus tard, il manqua la gloire de peu avec ses travaux sur la cocaïne. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas lui qui eut la chance de baptiser les neurones. Il s'en dédommagea amplement plus tard en dotant le lexique de la science de bien d'autres mots. Freud finit pourtant par passer ses examens de médecine. Peut-être pour suivre l'exemple de tous les physiologistes de l'Institut qui étaient médecins et y avaient même parfois exercé. Son premier examen eut lieu en 1880 alors que 2 ans auparavant, il écrivait encore à un ami que dans l'alternative écorcher des animaux ou torturer des hommes, c'était le premier terme qu'il avait choisi. La cruauté nécessaire de la médecine entrait-elle finalement pour quelque chose dans son aversion? Le fait est qu'elle n'était pas dans son caractère. Il l'a montré en inventant une manière de soigner dont le principe est la neutralité bienveillante du médecin. Détail amusant, si l'on pense aux liens étroits de la psychanalyse avec la faute, la culpabilité, le châtiment, le seul examen où Freud échoua jamais fut celui de médecine légale. Pour le reste, il obtint son diplôme avec facilité et se trouva pourvu du titre de médecin sans sortir pour autant de son incertitude. Tout d'abord, le diplôme ne changea rien à l'organisation de son travail. Il continua de travailler à l'Institut de Brücke, semble-t-il, sans faire de plan, ou espérant peut-être secrètement accéder un jour à la chaire de physiologie. Mais ses espoirs furent anéantis par un événement qui changea du tout au tout ses plans. La volte-face se produisit en 1882, quand mon maître, que je respectais par-dessus tout, corrigea la généreuse légèreté de mon père en m'exhortant, vu ma mauvaise situation matérielle, à abandonner la voie des études théoriques. Je suivis son conseil. J'abandonnai le laboratoire de physiologie et entrai comme élève à l'hôpital général. L'explication de Freud, il faut l'avouer, n'est pas ici tout à fait convaincante. Qui croira, en effet, qu'il ne connaissait pas lui-même la précarité de ses ressources et qu'un autre ait dû la lui rappeler? La recherche théorique à cette époque était le privilège des gens fortunés. Ce n'est pas par hasard que le savant pauvre, thème populaire du temps, faisait un peu partout figure de héros, voire de martyr. Freud ne pouvait compter que sur l'aide de son père, mais celui-ci était âgé. Dès 1873, il avait perdu ce qui lui restait dans un krach financier et devait souvent emprunter lui-même pour faire vivre sa nombreuse famille. Il est peu probable que Freud n'eût pas tenu compte de cette situation dans ses projets d'avenir. Mais alors pourquoi l'avertissement de Bruck prit-il soudain tant d'importance? Sans doute parce qu'il mettait Freud en face d'une triste vérité. Les deux assistants de Bruck étaient jeunes, et même si Fleischl, condamné à une mort prématurée, n'entrait pas vraiment dans la compétition, il restait Sigmund Exner. Il devait normalement succéder à son maître. Dans ces conditions, l'espoir d'obtenir la chaire de physiologie était passablement chimérique. Freud dut se féliciter de ne s'y être pas accroché, car il avait 69 ans quand la chaire de Bruck se trouva enfin vacante. Sa docilité à suivre le conseil de Bruck, la brusquerie de sa décision avait d'ailleurs une autre cause. Il était tombé éperdument amoureux. Et 3 mois après avoir fait la connaissance de la jeune fille, s'était secrètement fiancé. Cette fois, le problème de son établissement n'avait plus rien d'abstrait. Il lui fallait le résoudre pratiquement. Et il ne le pouvait qu'en exerçant son métier. Que la vraie cause de sa volte-face soit là, Freud ne le dit nulle part dans son autobiographie. Sans doute lui était-il pénible d'avouer qu'en sa jeunesse, la passion amoureuse l'avait, une fois au moins, emporté sur la passion intellectuelle. Nous aurons à parler longuement de ces fiançailles passionnées qui durèrent 5 ans et apportèrent à Freud à la fois un bonheur inespéré et maintes causes de souffrance. Les deux jeunes gens, en effet, se trouvèrent séparés peu de temps après leur accord secret. Leurs relations furent alors presque entièrement réduites aux lettres continuelles et inquiètes qu'ils échangeaient pour tromper leur impatience. Celles de Freud nous ont été conservées. Nous verrons qu'outre leur valeur irremplaçable pour l'intelligence de son œuvre ultérieure, elles sont encore dignes de figurer dans la littérature à côté des plus belles lettres d'amour. S'étant résigné à l'inévitable médecine par amour et, comme il le dit, avec un serrement de cœur toujours plus grand, Freud rencontre une nouvelle difficulté. Ses recherches ne l'avaient nullement préparé à exercer. Certaines branches de la médecine lui étaient étrangères et, en général, les connaissances cliniques lui faisaient complètement défaut. Il résolut donc de passer encore quelque temps dans un hôpital afin de rattraper son retard et d'avoir un contact direct avec les malades. Le 31 juillet 1882, il s'inscrivit à l'hôpital général de Vienne, où il devait rester 3 ans. Après un séjour dans un service de médecine générale, où Freud put se convaincre une fois de plus qu'il n'était pas né pour devenir médecin, il entra dans le service psychiatrique de Meinhardt, où il fut immédiatement nommé interne. Freud parle de son nouveau patron, dont les cours étaient les seuls qui lui suivit avec intérêt étant étudiant, comme du grand Meinhardt dont il suivait respectueusement les traces. Il passa près de lui 5 mois, période très importante, puisque ce fut là le seul stage qu'il fit jamais dans un service de psychiatrie. Ce fut chez Meinhardt que Freud, pour la première fois, se consacra sérieusement à une branche de la médecine. La neurologie devint peu à peu sa spécialité. Il commença de s'intéresser à la psychiatrie et se rapprocha ainsi du champ d'action qui allait être le sien. Mais la quête de Freud, qui donne à la période pré-psychanalytique son caractère un peu aventureux, cette quête n'était pas finie. Freud était véritablement un chercheur. Mais ce qu'il cherchait était au fond la science elle-même. Une science qui eût élargi la pensée médicale de son temps, qu'il jugeait étroite et surtout médiocrement efficace. Avant de réussir à fonder la sienne, il ne cessa de chercher des moyens nouveaux de guérir, par quoi il espérait sortir de la désolante inaction qui était le lot du médecin, et spécialement du neurologue, dans un trop grand nombre de cas. Ce souci d'efficacité thérapeutique est à l'origine de l'épisode de la cocaïne, qui cette fois l'entraîna fort loin de sa sphère de travail. Freud mentionne pour la première fois la drogue en 1884, dans une lettre à Martha Bernays, sa fiancée. Je roule en ce moment dans ma tête un projet et un espoir dont je veux te faire part. Peut-être n'auront-ils pas de suite. C'est un essai thérapeutique. Mes lectures m'ont fait connaître la cocaïne, l'élément efficace des feuilles de coca que certaines tribus d'Indiens mâchent pour résister aux privations et à la fatigue. Un Allemand a essayé la drogue sur des soldats et prétend qu'elle a réellement augmenté leur force et leur capacité de résistance. Je vais m'en procurer et, pour des raisons qui se devinent, l'essayer dans des cas de troubles cardiaques ou encore de fatigue nerveuse, tels qu'on en trouve dans les pénibles états de besoin dus au sevrage de la morphine. C'est le cas du docteur Fleischer. Le produit est peut-être étudié par beaucoup d'autres gens, peut-être n'a-t-il aucune valeur, mais je ne veux pas renoncer à essayer. Et tu ne l'ignores pas, se contente souvent et veut toujours. Un beau jour, cela réussit. Il ne nous faut qu'un coup de chance de cette espèce pour pouvoir songer à nous établir. Mais, chérie, ne va pas te mettre en tête que cela doive réussir à coup sûr cette fois-ci. Tu le sais, le tempérament du chercheur exige deux qualités essentielles, l'ardeur à la recherche et l'esprit critique dans le travail. Freud fit effectivement l'essai de la cocaïne sur lui-même, et les résultats dépassèrent de loin son attente. Toutes ses lettres de cette époque parlent de la drogue avec une fougue, sur un ton d'enthousiasme qui ne reparaîtra plus souvent dans ses écrits. Si tout va bien, j'écrirai un article là-dessus et j'espère que la cocaïne se placera à côté et au-dessus de la morphine. Elle fait naître en moi d'autres espoirs encore et d'autres projets. J'en prends régulièrement de très faibles doses pour combattre la dépression et la mauvaise digestion, et cela avec le plus grand succès. J'espère parvenir à supprimer les vomissements les plus tenaces, même s'ils sont dus à quelques graves souffrances. Bref, c'est maintenant seulement que je me sens médecin. Si les choses marchent ainsi, nous n'aurons plus de soucis à nous faire au sujet de notre union et de notre installation à Vienne. Nous retrouvons ici les deux hantises de Freud pendant cette difficile période. Trouver une thérapeutique efficace et grâce à elle gagner assez pour se marier et vivre décemment. Cette double préoccupation, à quoi il faut ajouter l'état d'euphorie provoqué par la cocaïne, fit certainement beaucoup pour endormir sa prudence. Il écrivit son article, un essai remarquable par ses brillantes qualités littéraires, mais surtout fit l'apologie de la drogue et la distribua autour de lui avec le zèle d'un véritable propagandiste, sans en soupçonner le moins du monde les méfaits. Aveuglé par sa hâte, Freud ne vit dans la cocaïne que ce qu'il voulait y trouver, un remède contre la souffrance. Scientifiquement parlant, la légèreté dont il fit preuve, en l'occurrence, n'est pas tout à fait inexplicable. L'histoire de la pharmacologie en a montré et en montrerait encore aujourd'hui bien d'autres exemples. Moralement, toutefois, elle eut pour Freud des conséquences douloureuses. La première fut l'échec de sa recherche. Freud, en effet, s'était exclusivement attaché à étudier les effets analgésiques de la cocaïne et, partant, son usage interne, laissant de côté les propriétés anesthésiques qui, on le sait aujourd'hui, font la seule valeur réelle du produit. Dans son article, il est vrai, il avait indiqué cet aspect de la recherche et en avait même parlé en présence de Kohler, l'homme qui, précisément, utilisa la cocaïne comme anesthésique locale et en tira toute la gloire. Mais il n'était pas allé au fond des choses. Il en fut d'autant plus affecté qu'il pouvait jusqu'à un certain point se reprocher d'avoir travaillé en dilettante. On imagine ses sentiments devant l'énorme sensation que la découverte de Kohler provoquait dans le monde. Sa déconvenue fut certainement très amère. Bien des années plus tard, il en laisse percer quelque chose dans la version quelque peu tendancieuse qu'il donne de sa mésaventure. Ce fut la faute de ma fiancée si je ne suis pas devenu célèbre dès mes jeunes années. De par un intérêt un peu à l'écart de mes études, mais profond, j'avais été amené en 1884 à faire venir de chez Merck un alcaloïde alors peu connu, la cocaïne, et à en étudier les effets physiologiques. Comme j'étais plongé dans ces travaux, j'eus la possibilité de faire un voyage pour revoir ma fiancée dont j'avais été séparé pendant 2 ans. Je terminai hâtivement mon travail sur la cocaïne et dans ma publication j'annonçai qu'on verrait bientôt de nouvelles applications de cette substance. Toutefois, je persuadai mon ami l'oculiste Königstein, d'essayer les propriétés anesthésiques de la cocaïne sur l'œil malade. À mon retour, j'appris que non pas lui, mais un autre ami, Karl Koller, actuellement à New York, à qui j'avais aussi parlé de la cocaïne, avait fait des expériences décisives sur l'œil des animaux et avait présenté les résultats au congrès d'ophtalmologie de Heidelberg. Koller passe donc à juste titre pour avoir découvert l'anesthésie locale par la cocaïne, devenue si importante en petite chirurgie. Mais je n'ai pas gardé rancune à ma fiancée de l'occasion manquée à cette époque. Si irritante qu'elle fût pour Freud, l'affaire de la cocaïne n'entachait pourtant pas sa réputation scientifique. Après tout, il avait joué le rôle d'un précurseur en lançant audacieusement un remède encore mal connu. En revanche, elle engageait sa responsabilité morale, et c'est sans doute en cela qu'elle dut surtout l'affecter. Dès 1884, en effet, il avait abondamment prescrit le nouvel alcaloïde, l'avait répandu dans son entourage, et en particulier avait amené son ami Fleischel à en faire un usage constant pour se guérir d'une intoxication morphinique. Les conséquences furent celles que l'on connaît aujourd'hui. Freud ne les avait pas prévues, il en fut d'autant plus bouleversé qu'elle n'atteignait pas n'importe qui, mais un être exceptionnel, l'ami dont il disait avec une singulière exaltation « Je l'admire et l'aime d'une passion intellectuelle, si je puis m'exprimer ainsi. Sa disparition me frappera comme la destruction d'un temple sacré eût affecté un grec de l'Antiquité. Ce que j'aime en lui, ce n'est point tant la personne humaine qu'une réussite inouïe de la création. » Cet homme extraordinaire, dont la vie lui est si précieuse, Freud le voit chaque jour livrer une lutte sans issue contre la souffrance et la dégradation. Sincèrement persuadé des vertus de la cocaïne contre la morphine, il lui donne le nouveau remède qui d'abord semble réussir. Mais peu à peu les choses se gâtent. La drogue n'agit plus. Fleischel augmente les doses. Les symptômes réapparaissent avec une gravité accrue. L'échec est patent. La cocaïne ajoute maintenant aux autres tourments du malade des crises de délirium tremens, auxquelles Freud assiste dans une sorte d'épouvante. Les nuits qu'il passe alors au chevet de son ami, il lui semble que quoi qu'il lui arrive par la suite, il n'en connaîtra jamais d'aussi horrible. Naturellement, la cocaïne n'a pas tué Fleischel. Elle n'a pas même hâté sa fin, puisque la torture du malheureux savant dura encore 6 longues années. Mais l'attention était attirée sur la drogue. En 1886, de nombreux cas de cocaïnomanie soulevèrent en Allemagne une violente émotion. Sans doute les avis étaient partagés. Les uns regardaient l'alcaloïde suspect comme le troisième fléau de l'humanité, les autres attaquaient Freud tout en vantant les qualités littéraires de son article. Et déjà, un écrivain célèbre, Arthur Schnitzler, venait au secours de Freud, comme tant d'autres le firent par la suite. Mais l'opinion publique restait sévère. L'apologiste de la cocaïne passait à ses yeux pour un malfaiteur, et Freud, probablement, n'était pas loin de partager cet avis. Que cette malheureuse affaire ait provoqué en lui une véritable crise, on en a la preuve dans l'un de ses plus célèbres rêves, où fourmillent les allusions aux injections et aux substances nocives. Socialement parlant, elle dut sinon le discréditer gravement, du moins porter atteinte à sa réputation dans les milieux scientifiques. Quoi qu'il en soit, elle ne fut pas oubliée. Quand, quelques mois plus tard, Freud revint de Paris en champion enthousiaste des idées nouvelles de Charcot sur l'hystérie, les médecins viennois purent le traiter de charlatan ou le tourner en dérision. Et Vienne s'habitua à le juger scandaleux. RTF France 3 Nationale vous a présenté en seconde diffusion La liberté coupable. Thank you.